Les petites histoires de Tell Me. Dorothée, la taupe à nez étoilée. Dorothée, la taupe à nez étoilée, était incontestablement une des plus grandes stars de sa forêt. Elle fascinait tous les animaux des environs. Elle avait gagné tous les concours de gloutonnerie de la région. Même les sangliers et les ours les plus gourmands ne pouvaient pas rivaliser. Son secret ? Un appétit d'ogre. Elle pouvait engloutir tout et n'importe quoi sans jamais se soucier du goût. Dorothée vivait une vie heureuse, l'estomac bien rempli. Un jour, à peine réveillée, elle est prise d'une grosse fringale matinale. Elle sort de son terrier à la recherche de quelques lombrics à se mettre sous la dent. Malheureusement, elle n'en trouve aucun près de chez elle. Alors, elle se met à creuser, sans rien trouver. Soudain, elle entend au loin de petits grognements. Un ver de terre ? Alléchée par l'idée, Dorothée creuse de plus belle. Mais d'un coup, le sol se dérobe sous ses pattes. La voilà qui se retrouve les quatre fers en l'air. « Qu'est-ce qui vous prend d'entrer ainsi chez les gens ?» Un lapin, visiblement très agacé, la toise du regard. D'un air courroucé, il se tourne vers le plafond de son terrier. « Regardez-moi tous ces dégâts !» Dorothée se sent un peu stupide. Sa faim lui a fait faire des bêtises. « Je suis la vraie. Je vais tout réparer. » Elle tente maladroitement de reboucher le trou, mais un coup de patte de travers l'agrandit encore plus. Le lapin fulmine. « Mais quelle empotée ! Ne touchez à rien, malheureuse ! Partez !» Dorothée reste les pattes ballantes, choquée. C'est la première fois qu'un animal de la forêt lui parle aussi mal. Tout le monde l'aime bien d'habitude. Au moment où elle allait sortir, le terrier se met à trembler si fort qu'un éboulement rebouche les dégâts causés par Dorothée. Quelques morceaux du plafond tombent même sur les deux animaux. « Ah non, pitié ! Pas eux encore ! Garde ton sang-froid, Justin !»« À qui parlez-vous ? » ?»« À moi, voyons ! Je m'appelle Justin !»« Moi, c'est Dorothée. » »« Mais je m'en fiche de votre prénom ! Vous savez ce qui a causé ce tremblement de terre ?» Dorothée fait non de la tête. « Des humains ! Il y a des humains au-dessus de chez moi !» Dorothée le dévisage avec des yeux ronds remplis d'effroi. Justin poursuit. « Ils ne vont pas tarder à lâcher leur furet diabolique pour nous débusquer. Aidez-moi !» Dorothée aide Justin à placer une boîte de conserve à l'entrée du terrier. « Comme ça, si un furet pointe le bout de son museau, il croira que c'est bouché !» L'ingéniosité du lapin épate Dorothée. Forcée de tolérer la présence de l'intruse, Justin s'installe dans un long silence renfrogné. Dorothée n'a toujours rien avalé et son estomac le lui rappelle bruyamment. Embarrassée, elle tente de tousser pour masquer les gargouillis. Justin soupire avant de s'éclipser quelques instants. Il réapparaît avec un gros morceau de gâteau sec. « Tenez !» Dorothée l'engloutit d'une bouchée sans même prendre le temps de mâcher. « Vous mangez toujours comme ça ?»« Comme quoi ?»« Eh bien, aussi rapidement, sans rien savourer ?»« Ça sert à quelque chose ?» Justin n'en croit pas ses longues oreilles. « À prendre du plaisir !»« Mais quand je mange, je suis super contente, moi !» Justin ne se laisse pas démonter. « Vous pourriez l'être encore plus. Savourer, c'est laisser le temps aux aliments d'investir votre palais pour vous faire vivre des merveilles de sensations. » Devant l'air perdu de la taupe, la frimousse de Justin s'illumine. « J'ai une idée !» Justin disparaît à nouveau et revient les pattes chargées de victuailles. Il tend à la taupe une chose orange, longue et un peu pointue. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une carotte !»« Ça n'a rien d'exceptionnel !»« Prenez le temps de mastiquer. Fermez les yeux. Que sentez-vous ?» Du croquant et une sensation inconnue qui lui titille les papilles, le sucré. En voyant sa tête étonnée, Justin sourit. Sans attendre, il lui tend quelque chose d'un rouge très, très foncé. Elle fait un tel effort pour ne pas l'avaler d'une seule bouchée qu'une goutte de sueur perle sur son front. En mastiquant, elle sent à nouveau ce goût de sucre. « C'est la même chose, non ?» Justin est atterré. Il soupire. « Concentrez-vous et mâchez mieux !» Elle reconnaît un fort goût de terre, et c'est un poil plus tendre qu'une carotte, une betterave. Elle croque ensuite dans une petite chose marron clair, croquante, à la saveur lactée. Une noisette. Elle continue avec de petites billes violettes, juteuses, sucrées et acidulées. Des mûres. Puis elle termine avec une énorme boule jaune et brillante, si acide qu'elle se pince les lèvres et plisse très fort les yeux, un citron. Bouchée après bouchée, un monde fantastique de saveurs s'ouvre à Dorothée. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Olivia Guggenheim. Racontée par Sibyline et Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. À la semaine prochaine.